les créoles, tu jouais avec eux, ça ne te dérangeait pas, et leur couleur de peau. Les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika le vendredi soir. Bah, vous avez l'habitude à partir de 19h depuis quelques temps et puis on est ensemble pour 3h pour écouter de la très bonne musique. Alors de la musique, c'est vrai que la plupart du temps c'est la musique de groupes de la région orléanaise puisqu'on se trouve à Orléans et que les groupes que je diffuse dans l'émission Mavrika, ce sont des groupes qui pour la plupart sont déjà venus dans l'émission. Donc par exemple, depuis le début de l'émission on a écouté plusieurs artistes, on a écouté les No Blush, le groupe No Blush qui est déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios pour nous présenter à chaque fois son univers et puis aussi tout ce qui se passe depuis entre chaque passage quoi. Donc au fur et à mesure de l'actualité, les groupes viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous raconter un petit peu tout ça. Les No Blush avec un morceau qui s'appelle Vigilante. Juste après on a écouté Alex Le Bay qui était là avec nous il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté c'est I'll Find a Song. Juste après on a écouté les Burning Heads avec Time's Up. le groupe Turn-Off avec les valeurs de l'enfance, les RN6 à l'instant, le morceau très speed qu'on vient d'écouter qui s'appelle Muscle Beauty, et on va écouter pas mal de groupes. Alors c'est vrai que la plupart des groupes sont de la région orléanaise, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de groupes aussi qui viennent de Paris, de Tours, de plein d'endroits, hein, de Brest, de Bayonne, de très bientôt de Grenoble, voilà. Par exemple, le groupe qu'on va écouter juste après, c'est les Shaking Mets. C'est un groupe qui est déjà venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont déjà venus aussi pour un Mariga Live. Et je sais qu'il y a une date aussi qui est déjà retenue. Hein. Vous pouvez le marquer dès maintenant si vous avez un agenda qui va assez loin. Parce que c'est vrai que si c'est juste un agenda scolaire, il ira jusqu'aux vacances. Je parle des vacances juillet-août. Mais justement, les Shaking Mets reviendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel au mois de décembre 2022. Donc voilà, on a déjà des dates pour 2022, pour la fin de l'année. À mon avis, il y aura aussi, on a l'habitude de recevoir assez régulièrement la Jarry. La Jarry qui était en concert il n'y a pas longtemps dans la région orléanaise, ils étaient à Olivet au Tire-Bouchon. Et quand ils repasseront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ils font comme d'habitude, ils nous interpréteront des morceaux en direct live. Juste après, on va aussi écouter un groupe qui s'appelle Painkiller. Alors Painkiller, c'est un groupe qui n'existe plus, mais disons qu'il existe toujours, mais plus sous ce nom-là. Il s'appelle maintenant Drive to Amnesia et ils seront avec nous le 8 juillet dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc ça sera une découverte, hein. C'est la première fois que je les rencontre, c'est la première fois qu'on va découvrir leur musique et tout ça. Le morceau qu'on va écouter juste après les Shaky Mets Rock'n'Roll, on écoutera Painkiller avec Nothing Is Impossible. Voilà, je pense que je l'ai dit pas trop mal, hein, pour une fois, je m'en sors pas trop mal. Donc, on est ensemble pour 3 heures de musique. On a déjà bien commencé, on a encore plein de choses. Si vous avez aussi des suggestions à faire, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur le Facebook de l'émission Mavrica. Bah, ça fonctionne aujourd'hui, donc c'est super bien. Bon, c'est un petit peu lent, mais au moins, je vais vous mettre le programme au fur et à mesure. Donc, si vous avez pas eu le temps de tout noter, vous inquiétez pas, vous avez tout sur le programme de la page Mavrica sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire des petits coucou, ça nous fait plaisir, mettez des petits j'aime. Et en tout cas, restez avec nous, vous mettez à l'aise, vous écoutez de la bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrica et Albino est là. Et tout de suite, les Shaky Mets avec Rock'n'Roll. It's me!

m'écrit à la sécu et personne m'a trouvé de solu. Du coup je peux plus me torcher le cul. Putain y'a plus de PQ. Chef des syndicats qui passent leur temps en réunion avec les ministres, les secrétaires d'État, et qui reviennent pour t'expliquer que la réforme n'est pas si mal que ça, qu'il faut attendre, pas s'énerver, qu'on va bientôt commencer. Quand il dirige le pays, t'expliquer qu'il faut bien réformer, après ça ira mieux dans ta vie. Si t'es pas d'accord, y'a des solutions. Hey, on est en démocratie. Tu peux voter, signer des pétitions, mais y'a mieux à faire. Barricade qui était venu il y a quelques temps présenter le nouvel album qui s'appelle Bouge dans l'émission Mavrika. Voilà, ils étaient venus il y a quelques temps. Donc pour me présenter ce morceau aussi, hein, c'est le morceau qui a le même nom que l'album. Et ils sont actuellement en concert. Vous pouvez sûrement les voir s'ils tournent à côté de chez vous. Ne les ratez surtout pas, parce que c'est un groupe super bon. Même sur scène, voilà. Juste avant, c'était Blast, il y a plus de PQ, hein, ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. J'espère que maintenant ces choses ne se refera plus jamais. Et on avait commencé cette petite série musicale avec Bruno Bauer et son nouveau titre qui s'appelle Belle comme une Vestale. On va continuer avec le groupe Jartel. Le groupe Jartel qui nous a fait un morceau qui s'appelle Echo Trip. Et nous allons l'écouter tout de suite. Je veux une victoire de la musique pour décorer mon chiotte. Toutes les putes de Saint-Tropez sur une montagne de coke. Une villa à Bangkok avec dauphin dans la piscine. Et ma gueule sur un poster dans la chambre de ta gamine. Je veux dealer toutes les richesses de la Centrafrique. Et recevoir un prix Nobel pour mes attaques chimiques. Je veux tout et son contraire, je veux l'avant, je veux l'arrière. Et je veux des cocotiers sur la calotte polaire. Je veux tout savoir avant les autres et faire briller ma science. Devenir le chaman responsable de vos trans. Je veux l'absence et le présent, l'innocence et l'indécent. Et devenir une méga star mais sans aucun talent. Je consomme donc je suis. Je consomme donc je suis. Je suis. Je veux être et avoir tout. Et à outrance me gaver de caviar et mourir à 200 ans. Je veux devenir une légende, oui pas comme mes parents. Et ne jamais trimer pour gagner de l'argent. Je veux faire sauter les banques et retourner le système. Distordre les consciences et m'enfuir avec

au hasard d'une rue, une ville mal foutue. J'attends qu'elle se retourne. J'attends qu'elle se retourne. Toute sa vie qui défile n'arrive à en découdre. Sur le fil du temps, elle attend, elle attend. Sur ses joues, larmes perles d'une histoire qui l'emmerde. À ne jamais savoir s'il ne claque la pièce. Angeline protège son âme en détresse. Joue l'arme fraîche, la vendeuse peut faire la flèche. Jana ne vient pas, parce que je ne sais pas si elle reste ou elle part du fond de ma mémoire. Jana ne vient pas, parce qu'elle-même ne sait pas. Je ne veux pas tomber dans mon cauchemar. À l'ombre d'un réveil où le soleil se lève, son corps satiné est parti en fumée. De croire encore qu'elle mérite en l'espoir. Au sommeil d'un coucher, où la lune sera noire. Qu'il est loin le chemin, t'entendront éclairir. Maman t'appelle au loin, elle supplie d'en finir. Tiraillée par ses proies, après. Je pense plus à rien, je voudrais que tout s'arrête. Plus envie de parler, plus envie de m'exciter. J'ai même plus comment faire pour pas sombrer. Partir avec toi, changer d'air. Pour faire le chemin à l'envers. Plus chercher, trouver la lumière. Plus la force, c'est l'enfer. Toi, mon étoile dans l'univers. Toi, tu posais dans le canapé, la télé allumée. Les images qui défilent me rendent fragile. Hanté par le passé, souvenir écorché. Tout ce bonheur gâché par virus caché. Partir avec toi, changer d'air. Pour faire le chemin à l'envers. Chercher, trouver la lumière. J'ai plus la force, c'est l'enfer. Toi, mon étoile dans l'univers. Avec un morceau qui s'appelle Mon Étoile. Et justement, juste après, on va aller toucher les étoiles avec le groupe Garens. On a écouté tout à l'heure aussi Max de Giovanni avec une version live enregistrée dans l'émission numéro 495 dans l'émission Mavrica. C'était une dernière fois. Et on écoutera aussi Ice Cream Rock On et Jack La Menthe. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Thank you.

serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre, je saurai bien te descendre. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. T'avais toujours ton couvert, vieille canaille. T'as brûlé tous mes tapis, tu t'es couché dans mon lit et t'as bu tout mon porto, vieux chameau. Puis-je te présenter ma femme, vieille canaille? Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu as fait du baratin, tu l'as embrassé dans les coins, mais j'avais tourné le dos, vieux chameau. Puis t'es parti avec elle, vieille canaille. Ouais, t'es parti avec elle, vieille canaille. En emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, l'argenterie et les rideaux, vieux chameau. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup, mais je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. Across the hills, the eagles flying forever. The encounter of the hand lady chained the life to melancholy. Along the luck, the story lives forever. Gone away, gone away, is my love. Slide away, my life. Over the sea, fancy mail. You know all the goodbyes. Shining the meaning of their destiny says to us the feelings are eternal. Gone away is my love. Slide away, my life. Over the sea, if I'd seen her. Sleeps like today. groupe Sukhoi Fever sur Radio Arc-en-Ciel avec un morceau qui nous fait perdre le contrôle, c'est You Make Me Lose Control. Juste avant, c'était Monson, le groupe Monson que nous avons eu la chance de recevoir deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on écoutait avec les Columbus, c'était Island Spirit. Et juste avant, c'était aussi un autre groupe que nous avons reçu, hein, le groupe Caméléon, avec une reprise de Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Voilà, si je me souviens bien, c'était Vieille Canaille. Et on avait commencé cette série avec Jack F, avec le morceau, un morceau que j'aime beaucoup, la menthe. Donc c'est la menthe, c'est la plante, hein. Il faut pas croire que c'est autre chose. On continue avec toujours de la très bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel. Et on va écouter un groupe que nous avons reçu tout au début de l'émission Mavrika. C'était vraiment dans les premières années, donc ça commence à remonter, étant donné qu'on a fêté la semaine dernière les 12 ans de l'émission Mavrika, hein. Justement, c'était le groupe Thank You Margaret, un groupe qui n'existe plus, mais que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert et de recevoir aussi dans les studios. Et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Apatride. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on écoute Thank You Margaret.

écouter plusieurs morceaux à la suite. Une reprise des Rolling Stones avec Wild Horses, The Grape dans un live Mavericka de 1900. Ah bah c'était tout début, hein, c'était dans l'émission numéro 67. Voilà, c'était pas 1900, c'était 2000 et quelques, hein, puisque de toute façon l'émission Mavericka a commencé en 2010. Voilà, les Ladybird à l'instant avec This Is My Harbor. Et on va continuer avec un monsieur qu'on a reçu plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'appelle Tonio. Et d'ailleurs, dernièrement, il a partagé une petite vidéo qui avait été tournée dans l'émission Mavericka. Et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle « L'amour à la machine ». Mes ancêtres de me mordre. passion still remains despite all the years. Forever in my brain, I never did appear. Music is in my skin, I live, dance and sing. As soon as I can now, I escape from the brain. I know the reason, the story of my life. Tonio avec L'amour à la machine. Juste après, c'était Angeville avec Une journée sur Terre. Le groupe Arcadia avec Sur le moment. Notre ami Arnaud Walden avec Another Life. Et actuellement, c'est le groupe Prisma avec Rock Now. D'ailleurs, si vous avez envie de les voir, déjà, il faut savoir qu'ils sont en train de nous préparer un CD. Ils sont en plein enregistrement et ils seront en concert la semaine prochaine. Ça sera samedi prochain. Le 17, voilà. Le 17 juin, donc au VNB de Bâle. Donc si vous avez envie d'aller les voir, rendez-vous au VNB de Bâle le samedi prochain, donc le 17 juin. On continue avec de la bonne musique et on va écouter tout de suite le groupe Neutral que nous avons reçu. Réussi à voir, ouais, on va dire ça comme ça, dans l'émission Mavrika, il y a quelques temps, et puis d'ailleurs, ils reviennent quand ils veulent. Je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle My Heaven. We'll be right back.

the sun. I'm on my way to Babylon. Will you see me there when I come? I'm on my way to. I'm on my way to. I'm on my way to Babylon. J'aimerais voir un peu plus loin

tout en peuplant sa solitude. Des fantômes du souvenir. Et on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica. Ben, 3 heures, ça passe très vite, hein. Déjà, la dernière heure est bien entamée. On a écouté pas mal de musique. On a écouté tous les morceaux. La liste de la programmation est sur Facebook. Si vous voulez retrouver les noms de tous les artistes que vous avez pu écouter pendant cette émission numéro 511. Tout à l'heure, on a écouté les Uncle Bikers qui étaient chez nous il y a pas très longtemps. Ils étaient venus présenter leur album Never Come Back. On a aussi écouté Skawax avec Réseaux Sociaux, Séronyme avec Sweet Love, La Jarry avec une version spéciale en anglais de Babylon en live, et les Summer Chains avec Astronaut, Vince Terranova avec Un Monde Après, Mourad, Soyons Heureux, et là, ce qu'on entend encore, c'est un live qui avait été fait dans l'émission numéro 167, c'est Les Passantes, donc c'est un morceau interprété par Georges Brassens à l'origine, qui cette fois-ci avait été interprété dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par Mab Cara et Monsieur Mandrak. Voilà. On continue avec un artiste qu'on n'a jamais reçu, pourtant il devait passer et puis ça s'est pas fait. Voilà. C'est Nilok. En tout cas, le morceau, on l'avait diffusé pas mal de fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. Il s'agit de Quand revient le matin. On écoute tout de suite Nilok. Des paysages, des belles âmes se font chauffer avant dans l'air du temps devenir sensible. Humain, le cœur de la cible, c'est le tien. Oublier les promesses, savoir que rien ne cesse, tout ça ne sert à rien qu'à reprendre conscience, approcher l'insouciance sans peur du lendemain. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Nous, sa fin, vouloir encore regarder devant, regarder les autres, décoder les images qu'on nous sert. Le soir, profil la tête, ne pas trop croire que tout est pénible. Et ben, le cœur de la cible, c'est le tien. Les rêves, un nouveau temps se lève, la chance d'être quelqu'un, le vent tout meurt à bien, nous sommes, j'en suis certain, mais n'oublie pas ton rêve. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Broyer ses chaînes, clouer sa peine, ranger toute sa vie, effectuer la rivée de l'été dans l'eau des fontaines, sécher sur les terrasses des grandes places, parvenir à être enfin le cœur de la cible, si tu y tiens. Ne jamais s'assouplir, céder au quotidien du terrain. Les souvenirs, c'est comme les riverains, les accès réservés. Il vaudrait mieux les fuir. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. S'imprégner des paysages, des belles âmes se font chauffer à blanc dans l'air du temps, devenir sensible, humain, le cœur de la cible, c'est le tien. Oublier les promesses, savoir que rien ne cesse, tout ça ne sert à rien qu'à reprendre conscience, approcher l'insouciance sans peur du lendemain. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Quand revient le matin, quand revient le matin, quand revient le matin. Petit souvenir, donc le groupe Tomia qui était venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe qu'on regrette, hein, qui n'existe plus malheureusement. Tomia avec Sorrow, juste avant c'était Our Endless Winter avec Seen from the Sky, et encore avant je l'avais présenté déjà, Nilok, Quand vient le matin. On écoute tout de suite An End avec 5:12 AM. arrive bientôt à la fin de cette émission, l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'était la 511e. Ça fait 2 ans qu'on fait cette émission. On va encore continuer longtemps. La semaine prochaine, par contre, on sera pas là. Donc, effectivement, il y aura un direct qui sera fait à partir de Super U, hein, à Bâle. Et justement, oubliez pas qu'il y a le groupe Prisma qui sera juste à côté aussi au VNB. Donc, vous pouvez aller voir l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Prisma aussi. Voilà. Donc, la semaine prochaine, pas d'émission Mavrika. Et puis, on se retrouve donc le 24 ici dans les studios pour une nouvelle émission. On va dire les phrases magiques. La première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et puis enfin, la dernière, une vie sans musique serait une erreur. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Puis on se retrouve donc dans 15 jours. Profitez bien de ce week-end. En attendant, bah, on va caler quand même 2 autres morceaux puisqu'on n'est pas tout à fait à l'heure. Hein. Mechanism for People avec un morceau qui s'appelle Go Feral. Et on va pas se quitter sans diffuser un morceau du groupe qui était là la semaine dernière, donc dans l'émission numéro 510. Il s'agissait du groupe Odeon et on va écouter un morceau qui s'appelle La Nuit des Vagabonds. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, ne quittez pas la fréquence 96.2 MHz. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine et on se retrouve donc dans 15 jours. Profitez bien, il fait beau, c'est comme ça. Allez, ciao, à très bientôt. Yeah. safe here and shame me. Yeah. sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête.